C'est la chronique de business du sport avec notre ami Charles Demers. Salut Charles. Salut Danny. Charles, on va parler de trois sujets d'actualité ce matin qui a lien avec le business du sport. Dans un premier temps, on va parler des Olympiques devraient commencer le 23 juillet au Japon. Crois-tu que ça va être annulé? Je sais qu'il y a beaucoup de pression actuellement qui se passe de gauche à droite. Par contre, il me semble que si ça aurait été annulé, ça aurait déjà été fait. Ça aurait pourrait être annulé, ça aurait déjà été fait. T'sais, il y a beaucoup d'épreuves de qualification. Le baseball commence ce soir. Il y a eu du 3 contre 3. Il y a eu le volleyball. Donc, la machine serait déjà commencée si. Aurait pas dû commencer, ça aurait été pour être annulé. Ouais, je suis d'accord avec toi, Danny, dans le sens que présentement, la vaccination va très, très bien. Le Japon est un pays quand même là, qui était relativement, s'en est relativement bien sorti au niveau là, des cas et des décès là, par rapport à la COVID, là. Mais tu sais, il faut penser que c'est 15 000 athlètes environ. C'est 90 000 personnes, c'est 100 000 personnes au total qui débarquent là, incluant tous les officiels, les entraîneurs, les athlètes. Ces 15 000 athlètes sont entraînés durant 5 ans même, mais pour ces Jeux olympiques-là, il y a une pression quand même là, mondiale, là, et il faut pas oublier que le Japon ne veut pas perdre la face non plus au niveau planétaire là, à ce niveau-là. C'est certain que moi, je pense aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, que les Jeux olympiques vont avoir lieu, à moins d'un grand revirement de situation. Là, on parle souvent des variants et ainsi de suite, mais ça serait surprenant. Là, présentement, les qualifications des Olympiques, l'équipe Canada est d'ailleurs déjà là au baseball. Présentement, fait que j'aurais tendance à dire en date d'aujourd'hui que ça sent bon pour la tenue des Jeux Olympiques Les de commanditaires doivent pousser énormément. Les réseaux de télévision comme NBC doivent pousser énormément, tu sais, également, là. Complètement. Tu sais, faut pas oublier que en termes de réseau de télévision, là, les antennes ont été relativement ça a été relativement tranquille au niveau du sport dans les dernières années. Dans la dernière année, là, ça a été, il y a eu plein de réseaux de télévision qui n'ont pas eu de sport à présenter ou presque pas. Fait que j'aurais tendance à dire qu'ils ont hâte de présenter un événement d'envergure, ils ont hâte de présenter c'est l'événement le plus populaire au monde à ce moment-là, là. Fait que j'aurais tendance à dire, c'est encore dans quelques semaines, là, mais j'aurais tendance à dire que ça va avoir lieu, puis ça va être bon, là. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Peut-être que ça va se faire par contre sans spectateur. Ça J'aurais pourrait. tendance à dire que oui, comme je te Ouais. disais tantôt, là, la pression sociale est très forte au Japon Ouais. présentement. Là. La majorité des Japonais ne veulent pas la tenue, selon les sondages qui sont sortis dernièrement, ne veulent pas la tenue des Jeux olympiques pour différentes raisons. Mais peut-être que ça va se faire sans spectateurs. C'est certain que les déplacements, là, donc l'appui des partisans des pays extérieurs, va être plus rare. C'est certain que d'après moi, l'équipe Canada sur le terrain de baseball, si ils sont là, ben la partisanerie va se faire discrète là. OK, donc on va suivre ça de très très près. Moi, je m'attends à une annonce quand même assez rapide, mais comme je pense que les Jeux Olympiques auront lieu. Écoute, ce qui a fait parler cette semaine, c'est la pub de Hubert E. Pas Wayne Gretzky, ça va être notre troisième sujet. C'est concernant Patrick Roy et Mario Tremblay. Comment t'as trouvé ça, toi? Un coup de publicité assez Incroyable. incroyable. Ouais. J'aurais tendance à dire que c'est vraiment un coup de publicité qui sort de l'ordinaire. Très belle réussite de Uber Eats à ce niveau-là. J'aurais tendance à dire que ils ont pris tout le monde par surprise. Hein. C'est ce genre, je crois même que ça a fait 25 ans cette année, ou presque, là, tu sais, que l'événement est arrivé. Donc, c'était prévu depuis longtemps. Puis j'ose croire que. Ça a fait jaser, ils ont réussi, hein, parce que ça a fait parler dans les médias, les pays ont repris cette nouvelle-là. On en parle d'ailleurs ce matin, toi et moi, ensemble. Fait que je pense que c'est une réussite pour Uber Eats. Est-ce que tu penses que c'est déjà payé? Euh, Oui. je pense qu'effectivement, le retour à l'investissement va être mesurable là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Là. Les dirigeants marketing de Uber Eats doivent être en train de mesurer cet impact-là, mais c'est certain que juste le fait d'en avoir parlé, si le retour à l'investissement n'est pas encore fait, juste le fait d'en avoir parlé, d'avoir fait véhiculer la marque, l'image de marque de Uber Eats, ben c'est une réussite pour l'équipe marketing. OK, donc c'est vraiment génial comme publicité. Troisième point que je veux t'amener cette semaine, c'est une annonce qui a été faite semaine passée. Wayne Gretzky qui s'en va à TNT Sports, démissionne des Oilers d'Edmonton pour s'en aller là-bas. Écoute, on sait que TNT Sports aura les droits avec ESPN l'an prochain de la Ligue nationale. Bon coup de marketing, même si Gretzky est quelque part, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr que c'est le gars le plus verbomoteur. Est-ce que tu penses que c'est un bon coup de marketing? Exactement. Moi, je pense que, ben, premièrement, de s'afficher, que ce soit dans n'importe quel domaine de la société, de s'afficher avec un Wayne Gretzky qui est le plus grand joueur de tous les temps au hockey, à la base, est un très bon coup de marketing, là. Tout dépendant du prix et du coût que ça coûte, là. Mais effectivement, je pense que non seulement il y a une certaine crédibilité dans le monde du hockey, même si, exemple, son expérience comme entraîneur-chef n'a pas été un succès, il était avec Hockey Canada pendant de nombreuses années, il était impliqué avec les Oilers depuis plusieurs années aussi. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est un très bon coup de marketing. Voyons voir maintenant, comme analyste, comment est-ce qu'il va s'en sortir. Trop difficile pour s'avancer à ce moment-ci, Danny. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'un analyste va être bon s'il est bien appuyé, il est bien encadré, si on lui offre les ressources et tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse bien performer. On espère que le TNT va être en mesure de pouvoir le supporter à ce Mais tu niveau-là. sais, je le vois pas comme un grand analyste de hockey, c'est ça. C'est ça. C'est un nom, c'est l'ambassadeur numéro un. Sauf que tu sais, aux États-Unis, je le vois pas comme un Tony Romo. Ben, on sait pas son rôle, il va peut-être être en studio, ça va peut-être être. Mais je le vois pas comme Tony Romo, je le vois pas comme un. T'es-tu d'accord avec moi? C'est pas le gars le Mais plus il y a une verbomoteur. personnalité exactement. Pour l'avoir côtoyé un peu, là, il y a une personnalité assez discrète, hein. Mais il faut pas oublier qu'il y a même le nom Oh derrière. ouais, c'est ça. Et la pesanteur de ces mots va faire toute la différence, dans le sens que lorsque Wayne Gretzky va dire quelque chose, probablement que ça prend un peu plus de sens, là. Donc, je te dirais qu'effectivement, il semble pas avoir une personnalité d'analyste. Par contre, il y a le nom, certes, pour pouvoir occuper ce rôle-là. Voyons voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. OK. Charles Demers, toujours intéressant. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Danny. Notre Bonne ami semaine. Charles Demers, c'est la business.